Un jour à Valencia, au détour d'un troquet, je suis tombé sur un mec qui paraissait toqué. Il était pas poète, mais respirait la joie avec ses chansonnettes et ses airs d'autrefois. En guise de flûte, il avait une guitare et les jours de fête, il chantait tard le soir. En guise de serpent, il charmait les maquerelles, le dernier troubadour, ce petit ménestrel. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec son chapeau gris et ses piercings dans le nez. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec ses mélodies, il chantait la gaieté. Payait son loyer, il faisait le serveur. Une fois la nuit tombée, il réchauffait les cœurs. Il avait plein d'amis et chantait l'espagnol, le français et le turc, et même le rossignol. Sous le ciel valencien, il tissait l'amitié avec des fils de joie et des airs meringués. On tombait dans sa toile et ses airs de guitare. On buvait toute la nuit et on se levait tard. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec son chapeau gris et ses piercings dans le nez. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec ses mélodies, il chantait la gaieté. On est devenus copains, un soir de février, on a dansé sur les tables et on ne s'est plus quitté. Arthur et Papillon, avec son drôle d'accent, et jamais une soirée, Bertrand était présent. On avait délaissé le bruit des discothèques, on avait tout laissé, nos nuits en hypothèque, pour l'écouter chanter et jouer de sa guitare, nous faire des souvenirs, illuminer nos soirs. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec son chapeau gris et ses piercings dans le nez. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec ses mélodies, il chantait la gaieté. D'enflammer tes lèvres, de briser ton silence et d'incendier la trêve de ton cœur en souffrance, puis d'oublier les autres, de faire moi ton apôtre et d'emmerder les autres, de faire le monde le nôtre et dans nos souvenirs d'enfant dans tes yeux de velours, d'imaginer maintenant avec toi et l'amour, et dans nos sourires d'enfant dans tes yeux de velours, d'imaginer maintenant avec toi et l'amour. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec son chapeau gris et ses piercings dans le nez. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec ses mélodies, il chantait la gaieté. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec son chapeau gris et ses piercings dans le nez. Il était guiré, le saltimbanque taré, avec ses mélodies, il chantait la gaieté.